Ce panneau signifie que le conducteur doit céder le passage au véhicule débouchant de la ou des routes situées à sa droite.